Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, actualité de Maître Eckhart. On constate de nos jours un regain d'intérêt pour la mystique médiévale, soit pour la mystique médiévale telle qu'elle s'est développée en Italie, particulièrement du côté féminin, soit au contraire du nord de la France, de ce qui est aujourd'hui la Belgique, de l'ensemble des pays rhénans, c'est-à-dire, en fin de compte, cette mystique qu'on appelle la mystique rhéno-flamande. Et à l'intérieur d'elle, évidemment, il y a une figure qui s'impose, une figure qui surplombe d'une certaine manière toutes les autres, qui est celle de Maître Eckhart. Et on peut s'interroger précisément sur la prégnance de la pensée Descartes, au-delà de l'influence dont on sait qu'il l'a eue sur la philosophie romantique allemande. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui, dans Eckhart, est tellement prégnant d'une certaine manière que cela a même influencé de larges pans de la psychanalyse. Et dans deux courants extrêmement différents, on peut évoquer évidemment la figure de Carl Gustav Jung d'une part, mais aussi la figure de Jacques Lacan dans, si l'on peut dire, tout l'aigu de la théologie négative qui est celle Descartes. Et on sait d'ailleurs qu'à l'université de Metz, tout un centre de recherche sur la mystique rhénane existe, qui a organisé, ne voici pas très longtemps, toute une journée d'études pour essayer de comprendre précisément quelle est cette actualité de Maître Eckhart. Et on avait des études ou des communications tout aussi différentes que la présence d'Eckhart, par exemple, sur le web aujourd'hui, ou l'influence d'Eckhart sur la pensée d'Heidegger, et qui permettait de faire le point sur les recherches actuelles et sur l'influence, sur le rayonnement de la figure de Maître Eckhart. Et pour essayer de comprendre cette actualité et les raisons de cette actualité, nous avons aujourd'hui avec nous Marianne Vanier, d'une part, professeure à l'Université de Metz, spécialiste de la philosophie, de la théologie et de la mystique médiévale, et Isabelle Raviolo, doctorante en philosophie, comédienne, rédactrice en chef de la revue Thavma, ou Thomas, selon la prononciation que l'on adopte pour le grec ancien, sur le thème du théâtre, c'est-à-dire sur un plan où on ne s'attendrait pas spécialement à rencontrer quelqu'un comme Eckhart, mais où elle essaie de nous montrer comme, de ce point de vue-là, Eckhart permet de penser toute une modernité d'un certain type de théâtre. Il est vrai que c'est un penseur du XIVe siècle et le XIVe siècle nous semble lointain, mais en même temps, Eckhart a une vision de l'être humain, a une réflexion qui, sur bien des points, nous interroge encore aujourd'hui. Déjà, pour ce qui est de la question de la personnalité, cette intériorité d'Eckhart et cette identité qu'il trouve à partir de l'altérité est quelque chose d'essentiel. En même temps, on a d'autres points qui sont tout à fait importants. Bon, on parle de l'homme noble, pour nous c'est plus du tout en ces termes qu'on envisage les choses, mais tout de même c'est en termes de potentialité de chacun, c'est vraiment ici un point essentiel, ou encore on a toute la réflexion sur le détachement qui n'est pas envisagé sur un plan éthique, mais qui est se libérer de ce qui est secondaire pour accepter ce qui est essentiel et à partir de là, trouver son lieu, se trouver soi-même. Isabelle Raviolo, par rapport à Eckhart, vous vous posez une question qui au départ peut sembler tout à fait étonnante, à savoir comment mettre Eckhart en scène. Alors s'agit-il véritablement de mettre Eckhart en scène ou comment Eckhart peut-il inspirer, je dirais, une réflexion nouvelle sur ce qu'est la scène et sur ce qu'est le théâtre ? Oui, en effet la question peut surprendre, puisque mettre Eckhart n'évoque pas le théâtre dans son œuvre, ni ne s'intéresse au théâtre. En revanche, si l'on se penche sur la spiritualité du maître, on y trouve des éléments essentiels qui nous rattachent aux racines même du théâtre, ses racines grecques, et donc nous enjoint à réfléchir sur la notion même d'un théâtre sacré, ou sur la notion de sacré au théâtre. Mais alors, vous vous servez d'un mot qui est quand même polysémique, si l'on, oui, si l'on peut dire, le mot de sacré. Tout à fait. Et j'aimerais bien, Isabelle Raviolo, que vous expliquiez justement sur ce mot sacré. Qu'est-ce que c'est qu'un théâtre sacré ? Parce que ça peut être la tragédie grecque, ça peut être le théâtre balinais, ça peut être le théâtre noro-chinois, ça peut être le noro-japonais, ça peut être des tas de choses. Oui, bien sûr. Donc, j'entends par la notion de sacré ce qui relie l'homme et donc l'acteur sur une scène de théâtre à une autre dimension d'être. Et en cela, on rejoint précisément l'idée de... L'etwas in der Seele chez Maître Eckhart, c'est-à-dire du quelque chose dans l'âme, ce par quoi l'homme parvient à l'unité avec Dieu et un autre niveau même de Dieu, c'est-à-dire la déité. Alors, c'est par la voie du détachement que Maître Eckhart envisage la rencontre de cette partie du fond de nous-mêmes, de l'intime de soi. Et c'est cet intimum mentis, donc, qui, pour moi, relie même l'idée de sacré, puisque c'est par là que l'homme se connaît véritablement lui-même, au sens où il est en lien avec une autre partie de son être. Alma. C'est une remarque que l'on entend souvent, Marianne Vanier, de dire, depuis Nietzsche, nous savons que Dieu est mort, Eckhart nous parle de Dieu, quel intérêt est-ce que ça peut bien avoir aujourd'hui ? Et donc, est-ce qu'il nous parle en même temps, nous parle-t-il véritablement du même Dieu que le Dieu mort de Nietzsche ? C'est un point ici qui mérite vraiment qu'on s'y attache parce que Nietzsche a fait quelques remarques sur Eckhart et l'a valorisé justement parce que le Dieu qui est mort pour Nietzsche, c'est une idole ou encore c'est une représentation que nous-mêmes on s'est faite. Or, c'est vrai que cette idole, cette représentation sont un peu des projections que nous-mêmes nous définissons, alors que Dieu est véritablement le tout autre. Et la dimension de transcendance chez Eckhart est tout à fait importante, et la transcendance de Dieu en même temps dans l'immanence, c'est-à-dire dans l'intériorité. Et je dirais que Nietzsche et Eckhart se rejoignent sur bien des points, à cette différence près que le néant eckhartien n'est pas le néant nietzschéen, parce que le néant eckhartien, c'est à la fois le non-être et en même temps, c'est le lieu du surgissement. Donc là, des différences par rapport au nihilisme nietzschéen. Mais alors précisément, lorsqu'on s'intéresse à l'œuvre Descartes, Marianne Vanier, on a l'impression que d'une part, il est l'héritier d'une longue tradition, et philosophique et théologique, d'une certaine manière, et que d'autre part, il annonce plusieurs siècles de réflexion qui vont le suivre et qui vont s'appuyer sur lui, comme s'il était, je dirais, un point de passage ou un point de jonction entre, dans l'ensemble de l'histoire de la pensée humaine. Et peut-être serait-il important de le resituer déjà par rapport à d'où vient-il, en fin de compte. Oui, c'est assez génial de la part Descartes d'avoir fait la synthèse qu'il a réalisée, cette synthèse de la pensée patristique, à la fois Augustin, Grégoire de Nyssa, Denis l'Areopagite, et en même temps des prédécesseurs plus proches, Albert, Dietrich de Freiberg, Thomas d'Aquin, et d'avoir donné un point de vue original. Et à partir de là, peut-être avoir été un des premiers modernes, parce que la notion de liberté, d'esprit libre, c'est tout de même lui qui la développe. Aussi la question du dépassement, un dépassement continuel pour arriver justement à l'essentiel, et aussi toute une dynamique de mort et de résurrection continuelle. Donc là, quelque chose d'essentiel chez Descartes. En même temps, Marianne Vanier, ne faut-il pas prendre en compte, je dirais, la postérité des Descartes, parce qu'on a quand même l'impression largement d'entendre les échos de ce qu'il dit dans le Pèlerin d'Angelo Silesius. On sait très bien que Descartes va influencer, je dirais, ce qu'il est convenu d'appeler la théosophie allemande du XVIIIe siècle, et que, aussi bien chez Hegel, chez Schelling, puis derrière tous ceux qui vont les suivre, finalement, Descartes est toujours extrêmement vivant. Oui. Oui, parce qu'il y a une postérité très grande, à la fois sur un plan philosophique, mais aussi poétique. On a un certain nombre de poètes aussi qui s'en inspirent. Et c'est vrai que la dialectique, cette fois, qu'il met en place, a été largement exploitée par Hegel, par Fichte. Et sinon, ces idées ont été transposées par Angelus Silesius. Donc là, véritablement un point de passage que l'on a, Descartes qui donne un peu l'essentiel, mais en mettant en perspective grâce à une armature philosophique tout à fait intéressante. Mais en même temps, évidemment, c'est la question que j'ai un peu envie de vous poser, Marianne Vanier. Est-ce que d'une certaine manière, Descartes n'annonce pas, pour ne pas dire, même radicalement, qu'il est le point de départ de ce qu'on va appeler la modernité de la pensée? Oui, parce que si on le situe par rapport à ses prédécesseurs médiévaux, il reprend leur acquis, mais il est beaucoup plus libre. Il n'est pas du tout dépendant d'un système de pensée. Au contraire, il ne procède pas directement par aphorisme, mais tout de même par des remarques très fortes qui vont à l'essentiel. Et c'est vrai que c'est un des premiers modernes. Lorsque vous parlez ainsi du sacré, Isabelle oui. Raviolo, je ne peux pas m'empêcher moi de penser à la racine indo-européenne qui a donné naissance, c'est-à-dire le cas au départ, qui par métathèse a donné le sacré, ce qui veut dire au contraire être mis à l'écart. Oui. Ce qui veut dire qu'en même temps, pour accéder à ce divin, il faut être mis à l'écart de sa condition courante. Tout à fait, et si l'on pense à la racine latine même de l'adjectif sacer, sacra, sacrum, c'est à la fois ce qui attire et ce qui repousse. Donc en fait, oui, être mis à l'écart, on l'entend ici comme une mise à l'écart de l'espace et du temps, une mise à l'écart de tout ce qui peut relever du créé et de tout ce qui met l'homme à l'extérieur de lui-même. Donc en fait, il s'agirait pour l'homme de revenir en lui, dans le plus profond de son être, afin de pouvoir redécouvrir ce qui le fait véritablement homme, c'est-à-dire son lien au divin. Donc en cela, il n'est plus véritablement du monde, mais il reste, comme Marthe dans le sermon 86, dans le monde, c'est-à-dire en contact avec la réalité du monde, mais sans lui appartenir véritablement. Donc il est dans une autre temporalité, un autre lieu, tout en habitant ce lieu-ci et ce temps-ci. Mais lorsque vous parlez du sacré assis, Isabelle Raviolo, je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'entendre les échos, les résonances, je dirais, avec ce que Antonin Artaud, par exemple, théorise comme le théâtre de la cruauté. Alors évidemment, on se dit, Maître Eckhart et le théâtre de la cruauté, qu'est-ce que ça a à voir ? Encore que pourtant, il y a peut-être des chemins de traverse, et faudrait-il entendre ce que veut vraiment dire cruauté ? Je pense que si... il y avait un lien à établir entre Maître Eckhart et le théâtre et son double d'Antonin Artaud, c'est précisément dans cette appréhension différente de l'homme sur un plateau, c'est-à-dire du comédien, qui n'est plus véritablement lui-même sur l'espace scénique, mais qui a réalisé un abandon de tout ce qui le rattachait au temps et à l'espace quotidien, on pourrait dire, pour finalement revenir à une profondeur de lui-même, un autre niveau d'être qui est un niveau, si vous voulez, plus sacré, au sens même où c'est cette part intime de lui-même, cette étincelle de l'âme, dirait Maître Eckhart, qui le relie à la transcendance. Là, des problèmes qui se posent, Marianne Vanier, c'est celui de la, je dirais, du fond de la doctrine Descartes, et qui peut avoir tout un certain nombre de répercussions aujourd'hui, dans la mesure où on sait très bien qu'il est condamné par le pape d'Avignon et le concile le convoqué. Il est condamné sous prétexte de panthéisme. Et on voit comme souvent Eckhart est repris en disant, mais finalement, il est chrétien parce que c'est son époque d'une certaine manière, mais au fond, il n'est pas chrétien. Alors qu'on a l'impression tout de même, lorsqu'on le lit, qu'il est très profondément chrétien. Oui, en fait, l'accusation de panthéisme est plutôt seconde, parce que c'est vrai qu'ayant une nouvelle manière de parler de Dieu pour son époque, mais qui pour nous est tout à fait parlante, Eckhart a certainement désarçonné un certain nombre de personnes, mais la condamnation porte surtout sur le fait qu'il a révélé à tous les plus hautes vérités spirituelles, ce qui était très mal vu à l'époque. Alors c'est un penseur véritablement chrétien, et justement son premier sermon, qui est un sermon pascal, manifeste déjà cette intuition, et on voit que le kérigme, que cette dynamique de mort et de résurrection, c'est la dynamique même de son œuvre, et que tout se joue là. Et même ensuite, ce qu'il envisage sur l'image, bon, bien sûr, il y a toute une dialectique sur l'image, il joue sur les mots, Luther va dire que c'est l'orfèvre de la langue allemande, mais cette dialectique sur l'image, c'est le passage de l'homme image de Dieu à cette image qu'est le Fils, et à la naissance du Fils dans l'âme. Donc là, c'est tout à fait intéressant, et il va très loin. Alors le problème avec Eckhart, c'est le radicalisme des formules tranchées, voire tranchantes, et à partir de là, bien sûr, quelque chose de difficile à comprendre immédiatement. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à quoi il faudrait faire très attention, et auquel on n'a peut-être pas fait assez attention jusqu'ici? C'est peut-être aujourd'hui qu'on peut le penser vraiment. J'ai dans la tête le fameux sermon 37. On a l'impression qu'il y a toute l'ébauche d'une philosophie du langage, d'une certaine manière. Et on a l'impression que là aussi, Eckhart a ouvert énormément de voies, que l'on n'a pas toujours explorées, mais qui, aujourd'hui, pourraient trouver toute leur actualité. Oui, tout à fait. Et il l'a fait de manière autre que nous, c'est-à-dire il l'a fait surtout à partir de la prédication, du sens de la prédication, et aussi à partir de la génération du verbe. Mais cette philosophie du langage est très intéressante et vraiment en avance pour son époque. Alors peut-être a-t-il aussi repris quelques éléments augustiniens, parce que chez Augustin, on avait déjà un début de réflexion sur le langage, mais il est allé beaucoup plus loin. Parce qu'il y a, enfin, si je l'ai bien compris tout au moins, il y a cette réflexion comme quoi le langage est toujours inadéquat, si on peut dire, à la chose qu'il représente. Et je vais me servir de un mot moderne, comme quoi il y a d'une certaine façon un mur du langage, en quelque sorte. Oui, parce que il y a toujours une part d'indicible, d'inexprimable, comme il le souligne à maintes reprises, et le langage est insuffisant. Alors là, avec la question du mur du langage, je penserai à Nicolas de Cuse, justement, qui a développé cette question plus tard, en particulier dans le De Visione Dei et dans d'autres textes, et Nicolas de Cuse qui était héritier Descartes au premier chef. Alors, précisément, lorsque vous faites allusion aux origines du théâtre, Isabelle Raviolo, on se rappelle très bien que les acteurs grecs avaient un masque sur la figure, parce que les Romains appelaient la persona. Oui, c'est à quoi on faisait le verbe latin personare, ce qui sonne à travers. Mm-hmm. Bon, et on sait très bien que là aussi, les théâtres auxquels je faisais allusion, le théâtre balinais, le théâtre chinois, le théâtre japonais, partout, il y a ce masque. Comme si, d'une certaine manière, l'acteur se retirait derrière la réalité qu'il est chargé d'incarner. Et on voit très bien que dans ces traditions, je dirais, le culte de l'acteur tel que nous le connaissons n'a aucun sens. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre du délaissement de soi-même tel que l'entend Maître Eckhart? Oui, tout à fait. Et c'est là que l'on rejoint l'idée même du détachement chez Maître Eckhart, puisque c'est au niveau du non-agir, du délaissement de ce moi superficiel que l'acteur peut atteindre à cet autre de lui-même, et cet autre est précisément représenté dans et par le masque qui l'invite à cette autre dimension dont on parlait. Aujourd'hui, mettre en scène Eckhart, ce serait donner à voir un théâtre pauvre, un acteur pauvre, pour laisser finalement à la spiritualité d'Eckhart l'espace pour s'épanouir et la possibilité par là au public de réaliser la catharsis telle qu'Aristote l'exprime dans la poétique. Mais lorsque vous parlez de ce théâtre pauvre, oui. Isabelle Raviolo, d'une certaine manière, on en a les exemples. Oui. Je pense évidemment au théâtre no-japonais, dans la mesure où c'est un théâtre où l'acteur, je dirais, n'existe pas en tant qu'acteur, et pourtant, il est d'autant plus existant qu'il s'est effacé, d'une certaine façon. Et on voit très bien qu'on joue entièrement sur une gestuelle, mais une gestuelle extrêmement épurée. On joue sur la parole qui n'a de sens que par rapport à de très longs silences, comme si, d'une certaine manière, il y avait quelque chose de l'ordre du détachement qui permettait de laisser s'exprimer finalement, bon, ce que dans le vocabulaire de là-bas on appelle la nature de Bouddha ou transpercer la vacuité, mais je dirais d'une certaine manière on rend visible quelque chose qui est de l'ordre de ce qui ne peut pas être vu par les yeux de chair. Et c'est précisément cette distance qu'il s'agit d'entretenir dans le théâtre no-japonais entre ce soi superficiel dont on parlait et la profondeur de l'être. Et c'est aussi cette distance qui se retrouve entre le public, les spectateurs et l'acteur. Donc c'est une distance aussi qui se rajoute par le masque dans le théâtre no, mais aussi dans la tragédie grecque. C'est la question que l'on se pose souvent à propos des cartes, c'est-à-dire, en fin de compte, quel est ce Dieu dont il nous parle? parce que le Dieu, d'une certaine manière, néant, on voit très bien comment on peut s'en servir pour dire, d'une certaine façon, Dieu n'est pas, Dieu n'existe pas. Et on a parfois fait des cartes, je dirais, le père de l'athéisme moderne. Est-ce que ça vous semble vraiment soutenable ? Non, parce que si on prend le sermon 71, qui reprend... à la manière des cartes, bien sûr, la lecture de l'épisode de saint Paul sur le chemin de Damas, c'est vrai que Dieu apparaît comme néant. Mais c'est simplement un néant, ce qui rejoint ce qu'on vient de dire, parce qu'on ne peut pas l'exprimer, on ne peut pas le dire. Il excède de toutes nos catégories de pensée, donc tout ce qu'on va dire va être inadéquat. Donc c'est néant. Mais au contraire, le Dieu écartien est véritablement vie et émergence de vie. Là, je prendrai un peu deux références dans son commentaire de l'Exode sur la question de boulissio, de vie en Dieu. Et on a l'impression que là, il reprend largement Maïmonide, ou tout du moins tout l'acquis de la mystique juive, le rapport entre l'Ensof et les Séphirotes. Et d'autre part, cette vie qui est la vie de la Trinité, que l'on voit en particulier dans son poème « Le grain de Sénévé », mais aussi dans d'autres textes où c'est la vie trinitaire, mais en termes de surgissement. Et là, c'est une plénitude de vie, pas du tout un néant. Simplement, c'est toujours dialectique chez Eckhart, c'est ça qui est difficile. Mais est-ce que ce n'est pas cela précisément qui pose problème dans la compréhension des cartes, puisqu'on sait la différence qu'il fait entre Gottheit et Gott, la Deita c'est et le Deus absconditus et le Deus revelatus, si l'on peut dire. Et on voit que beaucoup ont tendance à croire qu'ils sont parfaitement disjoints l'un de l'autre, et que d'une certaine manière, c'est une apologie du Deus absconditus, et ce qui fait que la Trinité chrétienne, en tant que Dieu révélé, je dirais, passerait facilement aux oubliettes. C'est vrai que Eckhart parle beaucoup de la déité, il arrive à la déité, mais la déité, c'est l'unité de la Trinité. C'est-à-dire, c'est vraiment l'unité même de l'essence divine que l'on ne peut pas percevoir. Alors là, je crois qu'il est vraiment très théologien. Et d'ailleurs, toute l'œuvre latine le montre, ce soubassement théologique, les sermons 2 et 4, sermon latin en particulier. C'est-à-dire, à la fois... Dieu est un et trois. Bien sûr, le plus facile pour nous, c'est de comprendre les trois, parce qu'on arrive à les concevoir, tandis que l'unité, on n'arrive pas. Or, la déité, c'est pas le quatrième de la Trinité, c'est pas une entité au-dessus, mais c'est bien cette unité comme telle qui est très difficile à percevoir. Lorsque vous parlez de la tragédie grecque, vous me posez un problème, Isabelle Raviolo. Parce que je vois très bien, bon, vous l'avez dit clairement, vous renvoyez à la poétique d'Aristote. Et est-ce que la poétique d'Aristote, Aristote comprend véritablement quelle est la naissance, quel est le surgissement de la tragédie, c'est-à-dire quand même quelque chose qui est attaché au culte de Dionysos, dont oui. On n'est pas absolument sûr que ce soit la catharsis. Oui, quant à la catharsis, là, Aristote en parle véritablement par rapport à... aux spectateurs, donc au public, par rapport aux origines mêmes de la tragédie grecque, il la renvoie à ses racines religieuses et donc aux cultes orphiques et à Dionysos, donc, que Marcel Étienne qualifie d'étrange étranger. Précisément, c'est le dieu présent et absent à la fois. Donc c'est ce paradoxe de la divinité de Dionysos qui se caractérise sur le plateau par l'acteur qui se laisse posséder par ce dieu et qui renvoie en lui-même, par son corps et son esprit, une présence divine et donc fait de l'espace un lieu sacré, un lieu différent du lieu quotidien, un lieu où il va advenir quelque chose d'autre et donc... ce quelque chose d'autre va permettre aux spectateurs de vivre la catharsis, la purification. Oui, mais précisément, lorsque je vous écoute, je pense à la pièce de Répide, les Bacchantes, oui. Puisqu'elle est entièrement fondée, bâtie autour du dieu Dionysos. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que la première personne, le premier personnage, si on peut dire, qui s'exprime sur scène, c'est Dionysos lui-même, et qui a ce verbe, c'est le premier mot de la pièce, écho. J'arrive. Oui. C'est-à-dire qu'il affirme toute sa présence. Et c'est à travers sa présence, c'est justement le fait de l'acceptation de sa présence qui va poser problème. Et en même temps, c'est le dieu de l'ivresse, en même temps, c'est le dieu de la folie, c'est le dieu de l'aliénation, c'est le dieu de l'absence à soi-même. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment c'est la présence la plus sûre qui entraîne l'absence, ou comment c'est éventuellement l'absence qui permet la présence. Oui, précisément. Mais si, avant tout, Dionysos va permettre la crise, l'événement de la crise sur le plateau, c'est-à-dire de cette folie dont vous parliez, pour rétablir l'ordre. Et c'est ce que l'on retrouve dans l'Orestie d'Eschyle, c'est-à-dire un moment où le moment de la tension dramatique sur le plateau pour une résolution finale. La résolution qui, finalement, est un accomplissement sur le plan d'une humanité. C'est-à-dire que le théâtre cherche une harmonie, et cette harmonie ne peut s'établir, ne peut se réaliser que dans une tension dramatique qui a été dépassée. Donc on retrouve là précisément la dialectique du Sermon 40 de Maître Eckhart, c'est-à-dire une dialectique qui, par l'Entbildung, parvient à la constitution de l'être, l'Einbildung, et qui ensuite envisage l'Überbildung, c'est-à-dire le dépassement des images. Et c'est précisément ce que la présence de Dionysos, comme vous l'affirmiez, permet sur le plateau. Il permet cette dialectique, et donc, par là, il permet une rencontre en profondeur de l'homme avec lui-même. On retrouve vraiment le gnotis eoton de la tradition grecque, le connais-toi toi-même, et l'espace scénique dans sa source sacrée, dans ses racines primitives, permet... par la mise en scène dramatique au spectateur une connaissance de soi, une connaissance de soi en profondeur. Shepherd, shepherd, hark that calling, angels they are, and the day is dawning. Vous le voulez bien, Isabelle Revellement, justement pour comprendre ce que serait cette liaison intime entre la parole théâtrale, le geste théâtral en tant que tel, et la pensée des cartes, je voudrais quand même insister un petit peu sur Dionysos. Dans la mesure où Dionysos, on le sait très bien, le problème est qu'il se fasse reconnaître dans la ville de Thèbes, alors que sa mère est Thébaine et la fille de Cadmos, le fondateur de Thèbes, il n'y a pas plus Thébain que Dionysos, d'une certaine manière. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir comme il est étranger dans son propre pays, et comme pour définir une identité, on a besoin de poser que quelqu'un est Xénios. Il est étranger à lui-même, il est l'autre, et on est soi-même que si on est l'autre. Et est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose que retrouve Eckhart, justement ? Bon, évidemment, au niveau d'une culture qui est devenue une culture chrétienne, mais où il n'y a pas une structure fondamentale de l'humain. Oui, tout à fait. L'acteur qui parvient au point d'acmé de son art, si je puis dire, réalise que je est un autre, hein, si l'on reprend la formule de Rimbaud. Et chez Maître Eckhart, cela passe précisément par un dépassement de tout ce qui est créé, du ceci et du cela, c'est-à-dire de tout ce qui peut rattacher l'homme à ses représentations créaturales, c'est-à-dire à toutes ses idoles. Hein. Donc l'homme n'a plus à être sur le plan du créé, mais à revenir par le détachement au niveau incréé de son être, là où il est dans une perspective chrétienne et proprement écartienne, là où il est par grâce ce que Dieu est par nature, c'est-à-dire là où il trouve la constitution de son être et où il peut par là dépasser l'appartenance au monde et retrouver dans ce dépassement ce qui le fait véritablement homme. Lorsque vous dites que que l'homme est par grâce ce que Dieu est par nature, bien évidemment, on entend Clément d'Alexandrie, on entend Athanase, on entend tous les pères grecs de l'Église. C'est-à-dire que, de cette manière, l'anthropomorphose divine entraîne la théomorphose humaine. Mmh. Hein, et que si le Christ s'est fait homme, c'est bien pour que les hommes deviennent Dieu. Et est-ce que, de ce point de vue-là, alors précisément, une lecture écartienne, je dirais, de la vraie mise en scène, mais peut-être faudrait-il trouver un autre mot que mise en scène. Enfin, c'est le mot que nous avons à notre disposition pour l'instant. Est-ce que le sens d'une vraie mise en scène ne serait pas de se dépasser elle-même et de permettre, je dirais, à l'homme de s'enlever dans les cieux, en fin de compte? Oui, de s'enlever dans les cieux tout en restant... Par grâce. Par grâce, tout en restant profondément incarné. Je pense qu'un acteur est profondément enraciné, éveillé, à conscience de son corps, lorsqu'il est détaché de lui-même et de toutes ses représentations de lui-même, du monde, de Dieu et des autres. L'homme a avant tout à se détacher de ses idoles et de ses fantasmes, de ses représentations. Et c'est précisément aujourd'hui, selon moi, la modernité des cartes et ce qu'il peut apporter au théâtre dans une direction d'acteur et dans une mise en scène. Car je pense que... Un acteur ne peut réaliser un jeu épuré, un jeu véritable et donner au public quelque chose à vivre qui ne soit pas du narcissisme ou une représentation cérébrale du texte ou même une narration que s'il arrive à cette expérience spirituelle de la dépossession de soi, de la gelassenheit, vous voyez, qui lui donne... à partir de cette vacuité intérieure, la possibilité de faire advenir le Verbe, c'est-à-dire le Verbe qui s'est fait chair et cette parole qui va lui donner d'être présent autrement parce qu'il ne sera pas présent de lui-même et par lui-même, mais présent par un pâtir Dieu, une réception de la relation qu'il aura au Verbe, une relation profondément intérieure, une relation intime qui le transformera. Donc on est là au troisième terme de la dialectique du Sermon 40, à l'Überbildung, cette Überbildung qui nous fait accéder à ce niveau incréé de l'être, à ce quelque chose dans l'âme, que Maître Eckhart appelle aussi le petit château fort, là où on est précisément constitué dans notre être humain en tant que fils de Dieu, c'est-à-dire adverbe, c'est-à-dire être auprès du Verbe, fils adoptif de Dieu. Quel est l'intérêt de voir tout ce renouveau des cartiennes? Et on peut se poser la question, d'ailleurs, pourquoi tout à coup redécouvrir Maître Eckhart, d'autant plus qu'on sait qu'il a été quand même le sujet à des récupérations auxquelles il ne pouvait rien. Et je suis bien d'accord, mais si je pense au milieu du XXe siècle de Rosenberg expliquant que Maître Eckhart était le penseur germanique par définition, etc. Bon, je dirais, le pauvre Thuringien, qui pouvait-il? Mais de se dire, mais donc, aujourd'hui, qu'a-t-il à nous dire au-delà de ces espèces de fantasmagories? Ce qu'il aurait à nous dire, c'est sur l'identité, parce que notre époque est véritablement en quête d'identité, et chacun est en quête d'identité. Or, Eckhart donne beaucoup d'éléments sur l'identité, mais cette identité l'a trouvée de manière libre, avoir cet esprit libre, et aussi dans un monde désenchanté qui est le nôtre, voir aussi toute cette plénitude de relations comme telle. Donc il y a un peu une tension chez Eckhart qui peut être parlante pour aujourd'hui. Mais est-ce que chez Eckhart, on ne trouve pas un certain nombre de modes de pensée qui peuvent nous être d'un grand secours? Je veux dire, on voit très bien que nous sommes dans une société où... Ce qu'on a parfois appelé le plus de jouir est tout le temps à l'ordre du jour, et que cette notion de délaissement, c'est-à-dire de déliaison de tout ce qui nous tient, de telle manière, serait éventuellement ce qui nous ouvre une porte sortie. Eckhart dépasse peut-être la dualité augustinienne de l'outil et du fruit pour arriver à cette vie heureuse et à ce bonheur véritable par une attitude de détachement, par un laisser-faire, pas seulement un activisme, mais beaucoup plus un pâtir Dieu, hein, parce que le détachement écartien n'est pas un refus, c'est beaucoup plus laisser la place vide, se laisser modeler de l'intérieur pour accéder au bonheur véritable. Or, c'est bien ce bonheur que chacun recherche, en fait. Hein. Mais en même temps, se laisser faire, si on peut dire, laisser advenir, enfin, je reprends l'expression de François Malherbe, souffrir Dieu, d'une certaine manière, se pâtir, ne s'agit-il pas de bien le comprendre? Parce que lorsqu'on en parle, moi, ça me fait toujours penser aussi à la manière dont, souvent, par exemple, on comprend le bouddhisme en Occident. C'est-à-dire, il faut délaisser tout effort, toute compréhension, il faut se laisser faire à la nature des choses comme elle est. Alors j'ai l'impression que c'est quand même bien au-delà et que ça suppose précisément d'avoir dépassé ce stade-là et que souffrir Dieu, c'est aussi s'être ouvert à une dimension de transcendance, à une dimension d'altérité radicale. Et d'une certaine manière, ça veut dire que notre identité ne se bâtit que de l'altérité. Oui. Tout à fait. Parce que là, ce n'est pas une compréhension du délaissement en termes de ne rien faire. Et justement, Eckhart a largement réagi contre le libre esprit et lui-même a préconisé le détachement alors que c'était un hyperactif, pourrait-on dire, compte tenu des charges qu'il a eues. Et peut-être l'une des expressions les plus fortes de ce détachement, c'est le sermon 86 avec Marthe qui, à l'intérieur même de l'action, est détachée, c'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas envahir par ce qui est secondaire, mais elle est ancrée dans l'essentiel. Et c'est tout à fait autre chose. Et ce n'est pas non plus le bouddhisme, parce que chez Eckhart, il y a toute l'importance de l'intellect. On n'arrive pas à cet éclatement de la tête du bouddhisme. C'est tout à fait autre chose. Et c'est là justement, on a l'impression qu'Eckhart, je dirais, bon, on s'est servi, on le sait bien souvent, de l'expression de mystique spéculative, à la différenciant de la mystique unitive, en fin de compte. Et souvent, d'ailleurs, beaucoup de gens se posent la question de dire, mais est-ce que, étant donné sa puissance spéculative, est-ce que c'est vraiment un mystique? Oui, et souvent, ce qu'on a retenu aussi, c'était la spéculation et non la mystique. Or, sa mystique est fondamentale, mais elle affleure parfois dans les textes. Et il est vrai que tout dépend des textes qu'on lit, parce que les textes latins, en fonction des autorités, en fonction de la lourdeur quand même, de l'appareil conceptuel qui est mis en œuvre, laissent échapper souvent la dimension mystique, quoique Vladimir Lossky est arrivé à dégager la dimension mystique, même dans l'œuvre latine. Mais c'est vrai que c'est plus difficile. Shepherd, hark that calling, angels they are, and the day is dawning. Marianne Vanier, vous parliez de ce sermon 71, Marthe et Marie, et moi évidemment, irrésistiblement, ça m'évoquait l'une des déclarations de Sainte Thérèse d'Avila, Dieu sait grande mystique, et qui expliquait à ses sœurs que si elles n'étaient pas capables d'éplucher les légumes à la cuisine, toute leur mystique ne valait rien. Et pourtant, on doit pouvoir éplucher ces légumes tout en étant, en même temps, comment dire, parcouru, traversé de Dieu. Et que ça n'éloigne pas, d'une certaine manière, ça rapproche de Dieu. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose comme ça chez Eckhart? Et sans le savoir. Sainte Thérèse d'Avila a été aussi influencée par Eckhart parce qu'on a eu un compendium écartien traduit en latin par le Chartreux Curius qui a marqué Saint Jean de la Croix et par voie de conséquence aussi Thérèse d'Avila. Mais en même temps, il y a aussi une convergence dans les voies mystiques et c'est vrai que la contemplation, ce n'est pas toute la journée contempler et ne rien faire, mais c'est une contemplation à l'intérieur même de l'action. Oui, mais c'est là justement où où, il me semble-t-il, nous avons peut-être une réponse à beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est à la fois le laisser advenir, mais on ne laisse advenir que si on est véritablement habitant ce monde. Oui, parce qu'il y a justement tout un contexte, tout un milieu de vie, toute une habitation du monde pour avoir cette identité réelle. Sinon, on est un pion interchangeable en quelque sorte, et c'est toute la question de l'absurde, sinon, et d'autres éléments. Je pense à un vers fameux de Zéami, à minuit brille le soleil à Shinra. Bon, alors évidemment, bon, beaucoup de gens s'en sont gossés en disant évidemment, vous voyez bien que ça ne veut rien dire. Or, là, on voit très bien que ce qui est mis en œuvre, si l'on peut dire, c'est précisément au-delà du dépouillement auquel s'est livré le maître Zen, ou s'est livré à l'origine le maître Chan, c'est de se remettre en relation avec la réalité, de replonger dans la réalité. Simplement, la réalité est vue, je dirais, avec toute sa diaprure et toute sa diaprure d'au-delà ou de l'au-delà qu'il habite dans le cœur. Alors je sais bien qu'on ne peut plus parler que de manière paradoxale, mais est-ce que ce n'est pas à cela que l'on doit aboutir ? Si, tout à fait. Mais je pense qu'à la différence du no, chez Maître Eckhart, on reste vraiment dans une perspective transcendante. Le Dieu chrétien n'est pas comparable aux présences divines du no, et c'est peut-être la différence, mais ce en quoi effectivement ils peuvent se rejoindre, c'est dans cette perspective anthropologique dans laquelle le détachement vraiment est un terme important pour parvenir à ce délaissement intérieur, cette vacuité dont parle Zéami dans ses traités. Mais alors, ça ne serait pas, je dirais, ce que l'on pourrait inventer pour reparler des cartes, c'est-à-dire que dire que chez lui, à la kénose divine, bon, ça depuis Saint Paul nous connaissons bien, qu'à la kénose divine répond une kénose humaine, et que d'une certaine manière, elle joue l'une avec l'autre. Oui, tout à fait. Et là, on retrouve précisément l'importance de la dynamique pascale chez Maître Eckhart, et donc une théologie profondément centrée sur la personne du Fils, donc de la grâce de l'incarnation. Si l'on reprend l'épître aux Philippiens à laquelle vous faites allusion, c'est par la passion du Christ, sa kénose, c'est-à-dire son dépouillement radical, que la donation est réalisée et accomplie, et que la porte est ouverte à l'homme pour lui aussi, à la suite du Christ, réaliser une donation absolue. Livre. Puisque nous avons entendu Isabelle Raviolo, je voudrais d'abord signaler la revue dont elle est la rédactrice en chef, le dernier numéro de cette revue, Thomas, sur l'eau, publié par la Compagnie des Argonautes. Il s'agit, on le sait peut-être, on en a déjà parlé plusieurs fois dans Les Vivants et les Dieux, d'une revue de philosophie et de poésie, et qui, d'une certaine manière, n'est pas très loin de l'esprit de Bachelard dans ses grands essais sur l'eau, sur l'air, sur la terre par exemple, mais où on s'aperçoit comment on passe précisément d'une étude phénoménologique des différents éléments, particulièrement pour l'eau, jusqu'à quelque chose qui est de l'ordre du spirituel, et évidemment on va s'intéresser au baptême, le baptême de l'eau, en attendant éventuellement le baptême de feu, dont on sait que dans les évangiles, il suit ce premier baptême donné par Saint Jean-Baptiste. Et je signale d'ailleurs de ce point de vue-là l'étude tout à fait particulière d'Isabelle Raviolo elle-même sur l'eau du baptême chez Jean Chrysostome, qui nous permet éventuellement de relire autrement les monuments de la théologie que nous avions cru connaître et dont on se rend compte qu'en réalité, il y avait beaucoup de points qui nous avaient échappé. Donc, d'une certaine manière, nous avons à la fois un versant philosophique, par exemple avec des propos volatiles sur un verre d'eau, avec des citations de Lao Tzu qui se terminent avec Jean de la Croix, et nous avons aussi des poèmes, par exemple de Claude Vigée ou de Anna Akhmatova, qui se terminent aussi avec Jean de la Croix. C'est peut-être justement là la fusion de quelque chose qui est de l'ordre de la théologie et de la poésie. Jean de la Croix qui est d'ailleurs présenté sous son nom réel, c'est-à-dire Juan de Yepes. Et nous avons comme une méditation qui se déploie dans l'ordre du discours, mais une méditation qui se déploie aussi dans l'ordre de la pensée sur cet élément fondamental que représente l'eau, cet élément de vie et en même temps cet élément spirituel. L'eau, souple et faible comme rien au monde. Mais pour attaquer le dur, le fort, rien ne la surpasse. Rien qui la remplace. Faiblesse, suprême force. Souplesse, dureté. Nul au monde qui ne le sache. Mais nul n'agit ainsi. Lao Tzu, le livre de la voix et de sa puissance. Dans une autre perspective de pensée, je voudrais m'attacher aussi à l'ouvrage de Jean-Baptiste Lecuy, L'anthropologie théologique à la lumière de la psychanalyse. De quoi s'agit-il aux éditions du Cerf? De quoi s'agit-il si ce n'est d'une étude par Jean-Baptiste Lecuy de la contribution tout à fait majeure d'Antoine Vergotte à la définition de la psychanalyse et au rapport éventuel entre ce qui relève de la théologie et ce qui relève de la psychanalyse. D'une certaine manière, ce qui ressort de cette étude, c'est que la psychanalyse et la théologie ont un but commun qui éventuellement fait leur unité, à savoir la créature humaine, et où Antoine Vergotte essaie de montrer comment, au-delà de Freud, au-delà de sa position selon laquelle c'est l'homme qui est créateur de Dieu et non pas Dieu créateur de l'homme, et où Dieu, la figure divine tout au moins, est une illusion du désir, comment on peut essayer de penser autrement le rapport de la psyché au développement théologique, même dans le plus grand respect et même dans la plus grande fidélité à Freud, et comment, d'une certaine façon, à la fois on peut être théologien, on peut être psychanalyste, comme l'était Antoine Vergotte, on peut être psychologue de la religion, et comment on s'appuie ainsi sur des concepts majeurs, comme ceux de la loi, comme ceux de la paternité, ce qui, évidemment, en même temps, renforce ce que l'on découvre de plus en plus de nos jours à travers tout un nombre d'études, à savoir le lien fondamental entre, d'une part, l'édification de la psychanalyse et, d'autre part, le développement du monothéisme. Si Dieu s'est fait verbe, c'est parce que la subjectivité à laquelle il s'adresse est d'abord sujet à l'ordre du langage. Une pensée de l'ordre symbolique devrait se substituer aussi bien à une métaphysique fondée sur l'ordre de la nature qu'à une philosophie centrée sur la subjectivité existentielle. Je voudrais signaler aussi un ouvrage tout à fait passionnant de Pierre Kasounoguès, Les démons de Gödel aux éditions du Seuil, avec ce sous-titre qui d'ailleurs nous fait immédiatement dresser l'oreille, Logique et folie. Pourquoi s'intéresser à cet ouvrage, si ce n'est que Gödel, on le sait peut-être, a été l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, il en a été aussi l'un des plus grands logiciens, et tout le monde a plus ou moins entendu parler du théorème de Gödel, ce qu'on appelle le théorème d'incomplétude, qui montre que tout ensemble mathématique ne peut se justifier par lui-même. Or, ce qui est tout à fait intéressant et que nous fait ressortir Pierre Kasounoguès à travers l'étude extrêmement fouillée qu'il a eue de toutes les notes de Gödel qui jusqu'ici n'étaient pas accessibles et qui viennent en partie d'être rendues publiques, c'est de montrer que Gödel s'appuie, en fin de compte, sur une philosophie qui, au premier abord, peut sembler assez étrange, toute une philosophie selon laquelle il existe des démons, il existe des anges, et les anges, d'une certaine manière, sont les garants de la validité mathématique. Alors, de ce point de vue-là, évidemment, nous ne sommes pas très loin de ce qui était, par exemple, le néoplatonisme de quelqu'un comme Proclus et des rapports des mathématiques avec l'âme, mais en même temps, cela peut paraître étrange dans un siècle qui a oublié aussi toutes les considérations de Leibniz et de sa monadologie à laquelle, souvent, renvoie les travaux intimes de Gödel tels qu'il les gardait pour lui-même et qu'il ne les avait pas publiés de son vivant. Lorsque Gödel parle de ces esprits qui n'ont pas de corps mais peuvent nous influencer, on peut accepter, de façon purement théorique, que ces anges agissent sur notre esprit, mais non qu'ils modifient l'état de notre cerveau. Comment un ange qui n'a pas de corps pourrait-il toucher en quelque sorte un œil dans le cerveau? Enfin, dans un horizon radicalement différent, je voudrais évoquer l'ouvrage collectif dirigé par Charles Delattre, Objet sacré, objet magique, de l'Antiquité au Moyen-Âge, aux éditions Picard. De quoi s'agit-il ici, sinon de réfléchir sur la matérialité de ces objets qui ont été, au cours des siècles, au cours des âges, le support de la spiritualité. D'une certaine manière, évidemment, nous ne sommes pas très loin de la théurgie qui a suivi toutes les réflexions de Jean Blic, par exemple, à la fin de l'Antiquité, où nous retrouvons les intuitions du néoplatonisme de Florence. On peut penser en particulier aux travaux de Marcille Ficin et à toutes les vogues des talismans qui, à sa suite, s'est répandue sur l'Europe, de ces objets qui, précisément en tant qu'objet matériel, permettaient d'avoir accès à ce qu'à l'époque on appelait le monde des esprits. Et là, il nous est brossé une sorte de fresque qui part des mystères d'Eleusis ou qui part des œuvres, par exemple, dans l'Antiquité d'Apollodore et d'Apulée, jusqu'à des objets comme la Sainte Ampoule ou les luminaires dans le culte chrétien latin au Moyen-Âge, qui nous permettent précisément de changer de culture et de réfléchir sur notre propre héritage. Et de réfléchir aussi sur cette liaison, sur cette articulation assez étrange entre l'objet matériel d'une part et ce qui est de l'ordre de la foi, ce qui est de l'ordre de la croyance, ce qui est de l'ordre finalement de ce qui est défini comme étant de l'immatériel. Donc comment peut-il y avoir une matière signe de l'immatériel et comment l'immatériel se montre-t-il à travers un objet et un objet fait de bois, fait de fer, fait de pierre, un objet qui appartient à notre réalité quotidienne. La spiritualité. Habituée à la présence d'un Dieu paternel, très vétérotestamentaire, ou d'un Christ triomphant, fait peu à peu à l'humanité de Jésus et partant à la matière. S'il est vrai que les Carolingiens vénèrent les reliques, ils ne le font qu'avec de nombreuses mises en garde contre l'idolâtrie. Ils n'ont pas développé d'autres reliques que corporelles et ne pratiquent la partition des corps saints que rarement, avec prudence, voire répugnance. Les livres aujourd'hui. Un numéro de la revue Thomas, dirigé par Isabelle Raviolo, qui a pour thème « L'eau », édité par la Compagnie des Argonautes. L'anthropologie théologique à la lumière de la psychanalyse de Jean-Baptiste Lecuy aux éditions du Cerf. Les démons de Gödel de Pierre Cassou-Noguez aux éditions du Seuil. Et un collectif dirigé par Charles Delattre, Objet sacré, objet magique, de l'Antiquité au Moyen-Âge aux éditions Picard. C'est-elle Les vivants et les dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Marianne Vanier et de Isabelle Raviolo. Mixage Philippe Palares, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra.